بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons continuer la lecture et l'explication de ce poème attribué à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et intitulé Al-Lamia. Nous avons abordé lors des semaines précédentes les passages liés aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant cela. Et nous allons voir aujourd'hui un autre sujet, et ce dans la parole de l'auteur lorsqu'il dit « Wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum » وإلى السماء بغير كيف ينزل. فيذكر الناظم هنا أمرا من أمور الآخرة. Et donc dans cette parole, et les croyants verront leur Seigneur en réalité. Et les croyants verront leur Seigneur en réalité. Et vers وإلى السماء بغير كيف ينزل. Et il descend vers le ciel sans Kayf. Yarhamukallah. El Kayf est donc le comment. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas savoir comment il descend. Et donc nous ne cherchons pas à connaître comment Allah tabaraka wa ta'ala descend. Et donc l'auteur ici, il aborde un sujet lié à l'au-delà. Le fait que les croyants, ils verront leur Seigneur. Fait. Yarawna rabbahum bi absarihim yawm al-qiyamah. Yarhamukallah. Et donc ce qui est voulu par ce sujet, c'est le fait que les croyants, ils verront leur Seigneur à vue d'œil au jour de la résurrection. Et ce sujet fait partie des fondements des gens de la sunna et du groupe. Il est obligatoire de croire que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. L'imam Ahmed, il dit dans son épître intitulé « Usul al-Sunnah », les fondements de la Sunnah, il dit « Wal imanu bir ru'yati yawm al-qiyamah kama ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al-ahadith as-sihah. » Et donc il dit l'imam Ahmed rahimahullah, parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a la croyance en la vision, c'est-à-dire le fait que les gens verront leur Seigneur. Il y a la croyance en la vision, yawm al-qiyam, au jour de la résurrection. Comme cela a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques. Et on voit dans cette parole de l'imam Ahmed un sujet important. Le fait que si le hadith il est authentique, c'est notre croyance. C'est notre croyance. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les paroles de beaucoup de personnes qui vont rejeter la croyance authentique en faisant passer leur raison avant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est authentique. Ou ils trouvent un attribut dans le verset. Ils disent non, non, non, non. Non, non. On ne peut pas décrire la réalité par un signe. Et les signes ont été créés et ils vont partir dans des paroles qui ne veulent au final rien dire, comme j'ai pu l'entendre de certains Ash'ari francophones tels que Bajrafil et d'autres. Et donc la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est une réelle ni'ma, c'est un bienfait d'apprendre cette croyance, d'apprendre les paroles des imams d'avant, pour ne pas dire « Ah, ça c'est la croyance d'Abdul Karim ». Non, ça c'est la parole, c'est la croyance des compagnons, la croyance des tabi'in, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'à notre époque. Alhamdulillah. Et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent, il y a Abdelkarim, il y a des prédicateurs ou un prédicateur qui dit ça, ça, ça, ça, ça. Tu lui dis, tiens, allez, la réponse à ta question, elle est là. Mais est-ce que tu pourrais répondre à telle ambiguïté? Tiens, c'est là, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Dans les écrits de l'imam Ahmed, Al-Lamia ici, les écrits de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et les livres de croyance qu'on a fait dans cette mosquée et qu'on va faire dans cette mosquée, Inch'Allah Ta'ala. D'où l'importance d'étudier cette croyance, la croyance des gens de la sunna et du groupe. وقال ابن أبي زمانين في كتاب السنة. ابن أبي زمانين il dit dans son livre السنة, il dit ومن قول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين والمشركين فلا يرونه. Il dit parmi la parole des gens de la Sunna. Min kawli ahli sunna. Est-ce qu'on peut traduire le mot kawl par autre chose? Ça fait, je crois, le cours 1 ou 2. Hein? Medheb ou? Croyance. Le mot kawl, on peut le traduire par croyance aussi. Pourquoi? Une preuve. On l'a vu au cours 1 ou 2. Allahu a'lam. Après, quelqu'un va me sortir au cours 3 et va dire, ah, tu t'es trompé. Alors, une preuve que le mot al-qawl, on peut le traduire par aqida, par la croyance. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ala Ibrahim. Al-ayat. Dites, nous croyons en ce qui nous a été révélé, en ce qui est descendu sur nous et en ce qui est descendu sur Ibrahim. Et la suite du verset. Les savants, ils disent, nous croyons. Dites ici, c'est qulu bi al-sinatikum. Dites-le avec vos langues, mais ça ne suffit pas. Wa'taqidu bi qulubikum. Et croyez fermement avec vos cœurs. Et donc, al-qawl, on peut aussi dire qawlul qalb, la croyance. Donc, la parole du cœur, donc qui est la croyance ici. Et donc, la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, il nous dit, Ibn Abi Zamanain, annal mu'minin, que les croyants, ils voient leur Seigneur dans l'au-delà. Et que celui-ci, yarhamukallah, et que celui-ci ne se montrera pas aux mécréants et aux polythéistes. Ils ne le verront donc pas. Sujet de divergence. Est-ce que les koufars, ils verront Allah ou pas? Sujet de divergence. Certains ont dit, non, ils ne verront pas du tout Allah. D'autres ont dit, ils verront Allah, mais ça sera une menace. Ils verront Allah en ayant peur. Pas comme les croyants, ils verront Allah en étant heureux. Quelle belle récompense. Mais les mécréants, ils disent que les mécréants, lorsqu'ils verront Allah tabaraka wa ta'ala, ils le verront et que ça sera pour eux une menace. De la même façon qu'un voleur, il se fait donc attraper par la police et qu'on l'amène vers le gouverneur pour appliquer sur lui la sentence. Lorsqu'il voit le gouverneur, il sait que la sentence va être appliquée sur lui, il aura peur. Et d'autres qui disent que ce seront donc les munafiqines qui vont voir Allah tabaraka wa ta'ala avant qu'un voile soit établi et qu'il ne le voit pas. Mais l'avis le plus juste dans ce sujet, c'est que seuls les croyants verront Allah tabaraka wa ta'ala et on verra la preuve par la suite. Et donc il continue en disant wa qala azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, Allah azza wa jal qui dit lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, à ceux qui auront bien agi est réservée la meilleure récompense. El husna. La meilleure récompense, wa ziyada, et davantage. Qu'est-ce que el husna et qu'est-ce que ziyada? El husna, el janna. El ziyada, med dalil. Mais quel med dalil, quelle est la preuve que ici, el ziyada, c'est. Qalu sahaba. Men. Ibn Abbas. Fi tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir le cite et il a fini cette parole à beaucoup parmi les salafs. Il a cité certains compagnons et des tabi'in et d'autres qui sont venus après. Il dit wa hadha qawlu kathirin min as-salafi wal khalaf. Beaucoup parmi les salafs et ceux qui sont venus après eux. Mais est-ce qu'on a encore plus clair? On a encore plus clair que cela. Dans Sahih Muslim, an Suhayb, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala idha dakhala ahlul jannati al janna yaqulu Allah tabaarak wa ta'ala turiduna shay'an azidukum. Donc dans Sahih Muslim selon Suhayb, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque les gens du paradis seront rentrés au paradis, alors Allah dira, Allah tabaarak wa ta'ala, ça veut dire quoi tabaarak wa ta'ala? Attends. On va voir du coup, tu es de Thionville. Tabaraka wa ta'ala, ça veut dire quoi? Béni. Et le Très-Haut. Le béni est le Très-Haut. Tabaraka, donc béni. Donc celui qui détient la bénédiction parfaite. Ouais. Et Ta'ala, le Très-Haut, le le plus haut. Très-Haut. Mais D'accord. C'est pas une invocation. C'est pas une invocation. Alhamdulillah. Et donc, il nous dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens du paradis seront rentrés au paradis, Allah dira, Allah tabaraka wa ta'ala, il dira, est-ce que vous voulez quelque chose que je vous rajoute? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous désirez que je vous rajoute? Fayakulun, elam tubayyid wujuhana. Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages? N'as-tu pas embelli nos visages? Illuminé nos visages? Elam tudkhilna al-janna wa tunajjina minan nar. Ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis et ne nous as-tu pas sauvés de l'enfer? C'est déjà énorme! Qu'est-ce qu'il y a de plus que cela encore? Fayakshifu al-hijab. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min al-nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla. Alors, il lèvera le voile qui les empêchait de voir leur Seigneur. Et il ne leur sera pas donné quelque chose qui est mieux, quoi que ce soit, de plus aimé pour eux que le fait de regarder leur Seigneur, Azza wa Jal. Thumma tala hadhihi al-aya. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit cela, il a récité ce verset, « Lillazina ahsanu al-husna wa ziyada. » À ceux qui ont bien agi, il y aura al-husna, les meilleures récompenses, donc ici le paradis, wa ziyada, et davantage. Azidukum, comme dans le hadith, azidukum, je vous rajoute davantage. Qu'est-ce que c'est? Le fait donc de regarder le Seigneur, tabaraka, wa ta'ala. Et comme je vous ai dit, Ibn Kathir l'a cité donc, et il l'a attribué à plusieurs parmi les salafs. Et ensuite il continue Ibn Abi Zamanin, et il dit, wa kol, c'est-à-dire, et Allah, il dit, وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Des visages seront ce jour-là resplendissants, tout en regardant leur Seigneur. Tout en regardant leur Seigneur. Ce verset est clair, montrant que les croyants verront leur Seigneur au jour du jugement. وَقَلْ. Et ensuite il continue, Ibn Abi Zamanin, en citant un autre verset, une autre parole d'Allah. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Kalla, certes, ce jour-là, il y aura un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur. Et rappelez-vous, il nous a dit plus haut que les kuffars et les mushrikin ne verront pas Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyama. Ce verset en est la preuve. On a dit qu'on allait voir la preuve par la suite. Taïb, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset encore? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. On l'a dit. Donc, il y aura un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? Hein? Et donc, dans ce verset, tu comprends que les croyants verront leur Seigneur. Là, tu comprends que les mécréants n'auront pas l'honneur de voir leur Seigneur. Les mécréants n'auront pas l'honneur de voir leur Seigneur. Mais ça, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit trois fois de façon différente. Mm-hmm. Tu viens avec une quatrième fois de façon différente. Non. Vas-y. Bah, si, ils ne le voient pas, nous, on le voit. Ah, voilà. Si les koufars, ils ne le voient pas, eh bien, les croyants le verront. Si les koufars ne le voient pas, les croyants le verront. Al-Shafi'i, rahimahullah, Al-Bayhaqi, il cite dans son livre Manaqib al-Shafi'i, anna Shafi'i qala fi hadhihi al-aya, hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu yawm al-qiyama. Et donc Al-Bayhaqi qui nous cite dans son livre Manaqib al-Shafi'i, que Shafi'i, lorsqu'il a été interrogé concernant ce verset, il a dit, ce verset est une preuve que ses alliés, les alliés d'Allah, ils le verront au jour du jugement. Subhanallah. La compréhension de l'imam Shafi'i. Le fiqh, subhanallah. وَجَاءَ فِي مَوْضِعٍ آخَرٍ. Il y a dans un autre passage, Shafi'i il dit, لَمَّا حَجَبَ اللَّهُ قَوْمًا بِالسَّخَطِ دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْمًا يَرَوْنَهُ بِالرِّضَى. Il dit, Shafi'i dans un autre passage, lorsque Allah a empêché à certains de le voir par sa colère, cela montre que cela montre que d'autres le verront par son agrément. Et cela nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin." Allons-nous placer les musulmans comme les criminels? Et donc ils ne sont pas égaux. Si Allah nous dit que eux ils ne le verront pas au jour du jugement, ceci est une preuve que les croyants, eux, ils le verront au jour du jugement. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله أو رحمة الله إليه رحمة الله عليه في غاية الحسن. Il dit donc ابن كثير, et cette parole qu'a dit l'imam الشافعي رحمه الله est excellente, في غاية الحسن, elle est excellente. وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه المنطوق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Et c'est, il utilise la preuve ici. Ici, la preuve dans la parole de Shafi'i, elle est dans la compréhension du verset. Parce que dans le verset, Allah, lorsqu'il dit que les mouchriquines ne le verront pas, il n'a pas dit que les musulmans le verront. Mais on comprend de ce verset que les musulmans le verront. Et donc, il dit, nous kéfir, la preuve ici, elle est dans la compréhension du verset, de la même façon qu'on trouve cette même preuve dans la parole claire d'un autre verset qui est la parole d'Allah, « Wujuhun yawma'idhin nadira ila rabbihay nadira » Des visages seront ce jour-là resplendissants tout en regardant leur Seigneur. خالف في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة فنفوا أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. Et donc al-Jahmiya et al-Mu'tazila, ils se sont opposés à Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans ce sujet. Les frères, on a déjà dit, lorsqu'on étudie les noms et attributs, il y a un point important, c'est le fait de méditer sur ce genre de choses. Toi aujourd'hui, tu en profites quoi? Du fait de savoir que tu verras ton Seigneur. Tu en profites quoi dans le fait de savoir que tu verras ton Seigneur? La motivation pour œuvrer. Il y a un autre passage de Shafi'i, je ne l'ai pas cité, mais il montre aussi un point important dans cela. Lorsque Shafi'i, il a dit cette parole, il a dit, il y a dans ce verset une preuve que les croyants verront leur Seigneur, Yawm al-Qiyamah, il fut interrogé, « Ya imam, est-ce que c'est ça ta croyance? Est-ce que tu crois réellement que tu verras ton Seigneur Yawm al-Qiyamah? » Il a dit, لو كان الشافعي لا يعتقد أو لا يعتقد أنه يرى ربه يوم القيامة ما عبده. Il dit, si Shafi'i il ne croyait pas qu'il allait voir son Seigneur au jour du jugement, il ne l'aurait pas adoré. Il n'allait pas l'adorer. Le fait de savoir que tu vas le voir et que tu seras rétribué en fonction de tes actes, ça te motive. Ça te motive pour accomplir de bons actes, de bonnes actions et délaisser les péchés. Nous devons donc méditer sur cela. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il voit tout ce que nous faisons. Et qu'au jour du jugement, nous irons vers lui. Innaka kadih ila rabbika kadihan. Femulaqi. Tu vas vers ton Seigneur et tu vas le rencontrer. Alors celui à qui son livre lui sera donné par sa main droite, et ensuite celui à qui son livre lui sera donné par sa main gauche. Et donc le fait que toi, le croyant, tu médites sur cela, le fait que tu vas rencontrer ton Seigneur, que tu vas le voir, que tu seras jugé, cela te motive à accomplir de bonnes actions et à délaisser les péchés. Et donc al-Jahmi al-Mu'tazila, ils ont nié et rejeté cela. Est-ce qu'ils ont des preuves? Oui, ils ont des preuves. Ils ont des preuves. Pourquoi? Parce que à notre époque, malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Lorsqu'on dit « ils n'ont pas de preuves », ça veut dire « ils n'ont pas de preuves valables ». Ça ne veut pas dire qu'ils se sont ramenés « walou, non, on n'a rien ». Tu ne verras pas un égaré te dire « je suis égaré et je n'ai pas de preuves ». Jamais de la vie. Ils vont toujours te dire, j'ai des preuves, si, ça, regardez, 150 pages sur Arafat, ou je sais pas. Jamais de la vie, ils vont vous dire, je n'ai pas de preuves. Toujours, j'ai des preuves, mais il faut que tu saches, est-ce que ces preuves sont concrètes ou pas. Et donc, quelles sont leurs preuves? On va voir. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Kole Rabbi Arini Anzur Ileik. Moussa donc qui dit à son Seigneur, ô Seigneur, laisse-moi te voir afin que je te regarde. Kole Lantarani. Allah lui a dit Lantarani, tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. Walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Cependant, regarde le mont. Et si celui-ci reste à sa place, alors tu me verras. Ils ont dit Allah tabaraka wa ta'ala, ici il a dit lan tarani, tu ne me verras pas. Dalil ou pas dalil? Hein? Bisbalah. Fi ad-dunya dalil ara. Akhirah. Bisbalahum. بالنسبه لنا ليس دليل. طيب. رؤيا لا تكون في الدنيا تكون في رؤيا؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس في الدنيا لكن في الاخره. هذا يدل على بعض علم. Dans l'au-delà. Fil akhira. Tayyib. Ajma'a al-ulama. Les savants sont unanimes sur le fait que Allah, on ne le voit pas ici-bas. Ça, c'est l'unanimité des savants. Contrairement à ce qu'on peut entendre chez beaucoup, j'ai vu Allah, j'ai parlé, je l'ai vu, tout le temps. Non, Allah la yura fi dunya. On ne le voit pas ici-bas. Allah tabaraka wa ta'ala. L'unanimité des savants par rapport à cela. Fetanabberu. Et ensuite, donc la réponse par rapport à ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit Lantarani. Kole Lantarani. Lam yakul laura. Il n'a pas dit je ne suis pas visible. Si il avait dit je ne suis pas visible, ça c'est autre chose. Il a dit Lantarani. Tu ne me verras pas. Et donc aujourd'hui, il faut rassembler toutes les preuves. Et ça, ça fait partie des caractéristiques de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le fait de rassembler toutes les preuves. Ici, tu as ce verset qui dit Lantarani. D'autres versets qui montrent que les croyants verront leur Seigneur. Et les ahadiths qui montrent cela. Et, qu'est-ce qu'on fait? On va rejeter certains versets ou certains ahadiths et on va s'accrocher à ce verset. Non, on rassemble le tout. Et voilà pourquoi les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit هَذِهِ الْآيَا الْمُرَادُ بِهَا نَفْيُ الرُّؤْيَةِ فِي الدُّنْيَا. Ils ont dit, ce qui est voulu par ce verset, c'est le fait de rejeter la vision d'Allah ici-bas. Mais les autres, الْآيَةُ الْأُخْرَى تَدُلُّ عَلَى رُؤْيَةِ اللَّهِ فِي الْأَخِرَةِ. Les autres versets montrent que la vision d'Allah dans l'au-delà. إِذَنْ لَيْسَ هُنَاكَ تَنَاقُدُ. Et donc, il n'y a donc pas de contradiction. Tayyib, est-ce qu'ils ont une autre preuve? Est-ce qu'ils ont une autre preuve? Ibn Abi Zamanayn, lorsqu'il a cité le verset, j'avais oublié de le citer ce passage. Il a cité le verset, donc on a lu tout à l'heure la parole d'Ibn Abi Zamanayn qui nous dit que la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le fait qu'ils verront leur Seigneur. Il nous a cité trois versets qu'on a déjà vus tout à l'heure. Et après avoir cité les trois versets, il dit فَسُبْحَانَ مَنْ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ. Il nous dit, on verra Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais après, Subhanallah, Subhanallah, celui dont les regards ne le cernent pas. Mais lui, il cerne les regards. Certains vont dire, mais le shir, il s'est contredit là. D'un coup, il nous dit, Ahl Sunnah, il voit Allah Yawm al-Qiyamah, et ensuite il nous dit que les regards ne cernent pas Allah. Et ça, c'est donc un verset. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Et donc, bien entendu, parmi les preuves de l'Jahmiya al-Mu'tazila, il y a ce verset. Tayyib, est-ce que c'est une preuve? Non. Non, pourquoi? Fi dunya. Fi dunya? Quoi d'autre? Parmi les réponses qui citent cela, les savants citent aussi parmi les significations de ce verset, il y a le fait que cela signifie qu'on ne verra pas Allah fi dunya. Il y a aussi une autre explication. Cerner, c'est observer l'oublité. Ah, cerner. Ils disent, les savants, bel hadhihi al-aya dalilun ala ithbati ar-ru'ya. Ils disent, ce verset est une preuve que on va voir Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Li'anna al-idrak rayu ar-ru'ya. Car le fait de cerner, ce n'est pas comme le fait de voir. Cerner, el-idrak, el-ihata. Et donc, cerner, c'est le fait de voir de tous les côtés. De tous les côtés. Un exemple pour qu'on comprenne. Hier, il y avait donc une lune ici qui était claire. Je suis allé, je l'ai vu là par ma fenêtre, la lune toute claire, mashallah. Même en regardant la lune, elle est claire, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Est-ce que je cerne la lune? Est-ce que je la vois tout entière? Non, non. De tous les côtés? Non. Je ne vois qu'un côté, celui qui est en face de moi. Je ne vois pas les autres côtés de la lune. Et donc, les savants te disent, fait Allah tabaraka wa ta'ala, yura wa la yudrak. Allah, et donc on peut le voir, yawm al-qiyamah, mais on ne pourra pas, on ne peut pas le cerner. On ne peut pas le voir de partout. Et donc, ils disent que ce verset est une preuve que Allah, on va le voir. Pourquoi? Pourquoi c'est une preuve? Le fait de nier qu'on ne va pas le cerner, c'est une preuve qu'on va le voir. Parce que si, à la base, on ne pouvait pas le voir, c'est pas la peine de citer qu'on ne va pas le cerner. Est-ce que vous avez compris? Si, à la base, on ne va pas le voir, c'est pas la peine de citer qu'on ne va pas le cerner, puisque c'est un degré au-dessus. D'accord? Et donc ce verset, au final, c'est une preuve pour Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et donc, conclusion, il nous est obligatoire de croire qu'on verra Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et ensuite, l'auteur, il nous dit « Wa ila as-sama'i bi ghayri kayfin yanzilu » et vers le ciel, il descend sans kayf, sans que l'on connaisse comment. C'est ce sujet, c'est le sujet qui est connu par la descente. Ce qui est voulu par là, la descente d'Allah au ciel le plus bas. Al-nuzul, c'est un attribut d'action qui est affirmé à Allah. Ça veut dire quoi, attribut d'action? Sifatun fi'aliyya. Qui est lié à la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Muta'allikun bimashi'atihi. C'est-à-dire donc que Allah il descend quand il veut. Allah il descend quand il veut. Et donc le contraire de sifat fi'liya, on a sifat dhatiya, d'essence, des attributs d'essence. Comme par exemple hein? Al-yad. Quoi d'autre? Al-yad, al-waj. D'accord? Et donc on a les attributs d'essence et les attributs d'action. Et donc, il nous est obligatoire de croire à cela, que Allah tabaraka wa ta'ala, il descend au ciel le plus bas. Akhraj al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir. Et donc al-Bukhari et Muslim ont cité selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, notre Seigneur, il descend, tabaraka wa ta'ala, chaque nuit, lorsqu'il reste le dernier tiers de celle-ci. Yakul, man yad'uni fa astajibu lah. Qui m'invoque? Allah, il dit, qui m'invoque afin que je lui exauce? Wa man yas'aluni fa u'tiye. Et qui me demande afin que je lui donne? وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ. Et qui implore mon pardon, et je lui pardonne. قَالَ الْأَجُورِ فِي الشَّرِيعَةِ بَابٌ الْإِيمَانُ وَالتَّصْدِيقُ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةِ. L'imam al-Ajuri, il dit dans son livre Sharia, le chapitre concernant la foi, dans le fait que Allah Azza wa Jal, il descend au ciel le plus bas durant chaque nuit. Il dit « El-Imanu bihadha wajib » La croyance en cela est une obligatoire, est une obligation. La croyance en cela est une obligation. « La yasa'u al-muslim al-aqila an yakula kayfa yanzil » Il n'est pas permis aux musulmans doués de raison de dire comment est-ce qu'Allah descend? Comment il descend? Il n'était pas permis de dire ça. وَلَا يَرُدُّ هَذَا إِلَّا الْمُعْتَزِلَ. Il continue en disant, et il n'y a que les Mu'tazila qui rejettent cela. Qui rejettent le fait que Allah, il descende. أَمَّا أَهْلُ الْحَقِّ فَيَكُولُونَ الْإِمَانُ بِهِ وَاجِبٌ بِلَا كَيْفٍ. Ensuite il dit, l'imam al-Ajuri, il dit, en ce qui concerne les gens de la vérité, Alors, ils disent, la foi en cela est une obligation sans chercher à savoir comment. لِأَنَّ الْأَخْبَارِ قَدْ صَحَّتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ. Et on revient encore à une parole presque comme la parole de l'imam Ahmed. Il dit l'Ajuri, car les informations nous ont été rapportées de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrant que Allah, il descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. Et ensuite, on a un point important. On a un point important. Pourquoi ? Parce que certaines personnes, lorsqu'ils voient les hadiths dans la salat, allez, on prend zakat, on prend hajj, on prend savoir comment faire la hajj, savoir comment faire la prière, c'est bon, on prend. Dans la aqidah, non, on ne prend pas. Parfois, un même hadith lié à la aqidah et au fiqh, ils vont le prendre dans le fiqh, dans la aqidah, ils vont dire non, il est faible. Quel hadith ? On l'a déjà vu. Quel hadith dans cette mosquée ? On l'a vu ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Hein ? El Kubur. C'était quoi le hadith ? Aïwa. On l'a vu dans Amdat al-Ahkam. Et donc, Inna huma la yu'adzaban. Certes, ces deux-là, ils se font châtier. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Ils ne se font pas châtier à cause de quelque chose qui est difficile à délaisser. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَنَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ. En ce qui concerne l'un d'entre eux, alors celui-ci, il ne faisait pas attention lorsqu'il urinait. Il ne se protégeait pas de l'urine. On tire de ce sujet, dans le fiqh, dans la jurisprudence, qu'il est obligatoire, lorsque la personne va uriner, de faire attention à protéger ses vêtements de l'urine. Dans la croyance, le châtiment de la tombe. Ils ont dit non, non. Mais c'est cité dans le hadith. Vous l'avez pris dans le fiqh. Non. Le fiqh seulement. Et donc les gens, ils rejettent les hadiths concernant la croyance. Voilà pourquoi il nous dit, ici l'Ajuri, il nous dit وَالَّذِينَ نَقَلُوا إِلَيْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا إِلَيْنَا الْأَحْكَامَ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَعِلْمِ الصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ. Il dit, ceux qui nous ont rapporté ces informations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui nous ont rapporté que Allah, il descend durant chaque nuit au ciel le plus bas, ce sont les mêmes qui nous ont rapporté les informations liées au jugement du licite et de l'illicite, et la science de la salat et de la zakat, et du jeûne, et du hajj, et du jihad. Ce sont les mêmes. Kama قبل العلماء منهم ذلك فكذلك قبلوا هذه السنن. Donc de la même façon que les savants ont accepté d'eux le fiqh, la zakat, la salat, le jeûne, etc., de la même façon, ils ont aussi accepté ces sunan là, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la croyance. وقالوا, et donc il continue l'Ajuri, il nous dit وقالوا, ils ont dit. Qui ils ont dit, c'est-à-dire les ulema de Ahl Sunnah wal Jama'a. قالوا من ردها فهو ضال خبيث يحذرون منه. Il dit, celui qui rejette ces sunan, celui qui rejette ces ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam liés à la croyance, c'est un égaré, et ils mettent en garde contre lui. Ensuite, les gens, ils vont nous dire que ça, c'est à cette époque. Ce sont les salafis qui ont inventé ça, etc., etc. Non, c'est à l'époque que ça existait déjà. On a cité l'unanimité des savants quant au fait de mettre en garde contre tout individu qui appelle à une croyance erronée, à une croyance contraire à celle de Ahl Sunnah wal Jama'a, à une croyance qui peut entraîner les gens à l'enfer, une croyance qui entraîne les gens au fait, au final, d'adorer personne. Adorer personne. Allah, il ne descend pas. Allah, il n'est pas au ciel. Allah, il n'est pas beau. Allah, il n'est pas grand. Allah ne parle pas. Allah n'a pas. Ben, au final, il n'existe pas. Il n'a aucun attribut. Il n'a ni nom ni attribut. Mais tu adores quoi ? Rien. Cette croyance, le fait de rejeter les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, revient à dire que Allah n'existe pas. Tout simplement. Et donc, nous devons nous méfier de cela. de tous ces gens qui viennent rejeter les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour finir, on verra donc ceux qui ont contredit Ahl al-Sunnah wal Jama'a dans ce sujet. Il y a al-Jahmiya wal-Mu'tazila et aussi Kethirun min al-Asha'ira et beaucoup parmi les Asha'ira. فنفوا النزول وقالوا إن الذي ينزل هو أمره ورحمته أو رحمته أو ملك من ملائكته. Ils ont dit ceux qui descendent, ils ont dit donc al-Jahmiya, al-Mu'tazila et beaucoup de al-Asha'ira, ils ont dit Allah ne descend pas. On ne peut pas dire que Allah descend. Mais par contre, ce qui descend, c'est son ordre ou sa miséricorde ou un parmi ses anges. Comment on répond à ça? Rappelez-vous le hadith qu'on a lu tout à l'heure. La réponse, elle est dans le hadith. On fait devoir pour la semaine prochaine. On arrête là, vous me cherchez la réponse dans le hadith. Je répète le hadith et vous me donnez la réponse. Et on finit le cours, inshallah ta'ala. Tayyib. Donc le hadith. An Abi Hurayrata radiallahu anhu. Fis sahihayn. Dans les deux recueils, Al-Bukhari et Muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala descend chaque nuit vers le ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de celle-ci, de la nuit. Fayakulu, et il dit Man yad'uni fa astajibu lah, qui m'invoque afin que je lui réponde. Wa man yas'aluni fa u'tih, et qui me demande afin que je lui donne. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah, et qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Elle est où la réplique ici? Les anges ils sont sur terre. Hein? Les anges ils sont sur terre. Non, c'est pas ça. Inna Allah yanzilu ila as-sama'. Hein? Inna Allah yanzilu ila as-sama'. Inna Allah yanzilu. Tu vas me dire ici, elle nuzul ou dit fa ilallah. Donc dans le hadith, le fait de descendre, l'acte de descendre a été attribué à Allah. Je veux te dire, ok, tu as répondu, c'est une partie de la réponse. Qui m'invoque, je lui réponds, pas que Jibril lui réponde ou quoi que ce soit. Et donc, lorsqu'il dit qui m'invoque afin que je lui exauce, est-ce que les anges ils peuvent dire ça? Est-ce que l'ordre d'Allah, il peut dire qui m'invoque afin que je lui exauce? Est-ce que la miséricorde d'Allah va dire qui m'invoque afin que je lui exauce? La yunkin. Bil ijma', par l'unanimité, les anges, ils ne disent pas ça. Qui m'invoque afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Un ange va dire ça? Non. Ça, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala qui dit ça. Et donc, dans ce hadith, là, il y a une preuve même montrant que c'est Allah lui-même qui descend et que ce n'est pas son ordre, ce n'est pas sa miséricorde et que ce n'est pas un ange parmi ses anges. D'accord? Tayyib? Ad-du'a. Et donc voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une science profitable et de connaître et de mourir avec la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les frères qui n'a pas récupéré le manuel pour noter, pour prendre des notes pendant le cours sur l'AMIA, il vient, il se sert tranquillement, un manuel par personne.